professeur Julien Nimobona, bonjour. Bonjour, monsieur. Cinquième round à partir du premier, comment vous évaluez ce dialogue jusqu'à aujourd'hui? Premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième round, appelons des rendez-vous manqués, pas des rendez-vous de dialogue, parce que qui parle de dialogue? Il y a eu plutôt monologue entre les groupes qui s'asseyaient dans une salle sans s'asseoir ensemble. Ils n'ont jamais mis en avant des points de divergence et de convergence pour arrêter des stratégies pour atteindre un objectif commun. Il n'y a jamais eu dans chaque camp ce qu'on appelle généralement les feuilles de route, même au sein du gouvernement. On a senti, n'est-ce pas, des flottements, même si on a parlé de la feuille de route de Kayanza, en réalité, sur chaque point, il aurait fallu faire ce qu'on appelle des points de négociation, des points d'accord possibles, des points de consensus possibles, et même, si vous voulez, des points de résistance, c'est-à-dire des points sur lesquels le gouvernement ne transige pas. Mais quels sont les points qui ont été offerts à l'opposition? Rien. L'opposition, si on prend le Sénaret, ça a été un conglomérat de partis, de personnalités qui se rencontraient par frustration, par grande émotion contre le mandat de Pierre Nkurunziza, contre les atteintes à l'accord d'Arusha et la constitution de 2005. Mais quel est l'agenda? Quel est le programme de gouvernement? Quels sont les grands débats sur les problèmes économiques, sociaux qui hantent la population burundaise? Premièrement, sur le plan politique, aucune stratégie dans les deux camps. Aucune stratégie de sortie de crise, alors que la crise est là. Elle est dure, très dure. Aucun projet ni de programme qui puisse séduire la société par rapport à ces draps. Et surtout, troisièmement, pas de débat sérieux, pas de dialogue. On ne parle pas de négociation, parce que la négociation, c'est une autre étape où les gens se parlent sincèrement sur le point d'accord, de désaccord, de consensus, de compromis ou de coopération éventuelle. Et enfin, un autre drame, la question burundaise a été laissée à une facilitation, pas une médiation. Les deux sont différents. La facilitation, c'est des séances qui se suivent, où on met ensemble des parties au conflit, sans que l'on puisse les obliger, ni les amener, ni les encourager à aller vers des convergences et à l'établissement de compromis. Eh bien, ces cinq rounds-là n'ont jamais réussi à faire ça. C'était donc des tours de passe-passe où chaque partie s'amène et raconte son problème sans parler du problème de l'autre et vice-versa. Il y a vraiment un grand problème dans l'analyse de cette question du Burundi. Et si le médiateur était présent, vous trouverez que le dialogue pouvait atteindre un objectif quelque part? Si l'on prend les grands attributs du médiateur, en parlant d'une médiation douce qui est utilisée aujourd'hui par le facilitateur, l'ancien président Benjamin Mkapa. Sans la médiation de puissance, c'est-à-dire sans la médiation de force, sans la médiation qui utilise le bâton et la carotte, eh bien rien ne peut se passer face à deux parties qui sont radicales dans leur position, en particulier à l'égard du gouvernement qui est très accroché sur sa feuille de route, son point de vue, et qui est radical dans le traitement réservé à une opposition jugée d'être responsable de ce qui s'est passé en 2015. Donc, on avait dès le départ, si la médiation avait intégré dès le départ le niveau d'incompréhension très élevé qui est sur le problème burundais, eh bien, on aurait pu passer directement, dès la première séance, à mon avis, de la facilitation, on aurait pu passer au niveau de la médiation, plus de la facilitation. Et j'ai vu depuis longtemps que sans feuille de route, sans médiation sérieuse, eh bien, on ne pouvait pas aboutir à une feuille de route commune ni à un accord pour la résoudre définitivement le problème burundais. Le facilitateur, lors de l'ouverture solennelle de ce cinquième round, avait demandé aux participants, en grande partie composée par l'opposition et les ex-présidents burundais, d'élaborer une feuille de route. Est-ce que ça serait une plus-value? Si l'on considère que ce qui vient de se passer à Arusha n'était pas un round de dialogue et que c'était une réunion de l'opposition, ça va. Donc, le rapport de l'opposition peut être traité de deux manières. La première manière est celle que j'ai entendue de la part du gouvernement, c'est de dire « ça n'engage que ceux qui ont participé ». Mais le deuxième traitement, qui me semblerait le plus positif, ce serait de dire « maintenant je sais ce qu'ils pensent, je considère que sur ce point-là, on peut cheminer ensemble, mais sur cet autre point, on ne peut pas ». faire des concessions. Ça, c'est le début, finalement, de l'entente, d'un dialogue, alors cette fois-ci sincère. Cela suppose qu'au niveau institutionnel de la résolution du conflit, il faut que l'on fasse un pas supplémentaire. On quitte le niveau du facilitateur et on va du côté de la médiation. Ça veut dire que la communauté est-africaine, maintenant au niveau du sommet des chefs d'État, la question soit saisie. Et malheureusement, comme vous le savez, cette question burundaise a déchiré la communauté est-africaine. Et je me demande si un tel sommet peut se réunir régulièrement avec un quorum suffisant pour statuer et délibérer sur le cas burundais. Mais j'insiste, la prise en compte de la souveraineté de chaque État suppose que le président de la République du Burundi lui-même prenne vraiment les devants et offre en quelque sorte du grain à moudre et au chef d'État de la région, donc à la communauté, et aussi à l'opposition. Pour l'instant, je ne vois pas ce grain. Vu les positions entre guillemets radicales entre les deux partis, qui perdra en premier? Comme depuis l'indépendance, comme depuis toutes les crises que le Burundi a connues, c'est le peuple burundais. Les élites sont toujours battues, généralement pour leur position stratégique, politique, qui offre d'autres positions de bien-être. La population a été toujours la première victime, soit des victimes physiques, tuées dans l'instrumentalisation de l'ethnicité, soit victimes dans la pauvreté extrême. Vous imaginez la situation actuelle de la population burundaise, celle qui essaye de cultiver la terre pour faire vivre les enfants, pour soigner les enfants, pour éduquer les enfants. Les fonctionnaires dont les salaires ne parviennent plus à les aider à joindre les deux bouts du mois. Tous ceux-là qui veulent accéder à des situations sociales et économiques minimales. Eh bien, c'est tout ce monde-là qui souffre terriblement de cette affaire de radicalisation des élites politiques que j'estime, excusez-moi, irresponsable devant la nation. Un mot à placer comme conseil entre les deux parties, l'opposition et le gouvernement. Le premier conseil, il est toujours adressé au premier responsable du pays. C'est le gouvernement, c'est son Excellence le Président de la République, Pierre Nkurunziza. Il a annoncé la fin de ses mandats. Il faut souhaiter qu'il cède un pays prospère, réconcilié définitivement entre les communautés, entre les partis politiques, entre les élites politiques. Il doit donc faire le grand pas. C'est ça le leader. C'est celui qui voit là où la majorité de son peuple ne voit pas. La voie judicieuse, la voie de la réconciliation. C'est lui qui aujourd'hui devrait dire « j'ai compris ». Ce que cette opposition voudrait, c'est ça. Ce que moi, je considère comme essentiel pour la légitimité de mon pouvoir, c'est ça. Est-ce qu'on ne peut pas faire un pas l'un vers l'autre? Ça, c'est le premier conseil que je ferai. Le deuxième conseil, c'est à l'opposition. L'opposition ne doit pas non plus radicaliser toutes ses offres au niveau de cette réunion de l'accord d'Arusha, même si on attend le rapport, j'ai compris, qu'il n'est pas question, par exemple, d'aller aux élections 2020. 2020, c'est un rendez-vous capital. C'est la fin des mandats de toutes les institutions. Déjà, on était en conflit à cause des mandats de 2015. Vous imaginez si on n'a plus maintenant de mandats légitimes, légaux, ce que ça peut produire comme symbole de passage à la violence éventuelle. Il faut que chacun se mette en tête qu'il y a une échéance, qu'il y a un agenda, mais qui ne doit pas être non plus un blocage. Mais l'essentiel, c'est que les deux parties fassent des pas les uns vers les autres. Est-ce que dans la feuille de route de Kayanza, est-ce qu'il y a du grain à moudre pour l'opposition? Est-ce que dans le document d'Arusha de l'opposition, est-ce qu'il y a du grain à moudre pour le gouvernement? S'il y a un effort d'interrogation comme ça, eh bien, on peut aller vers l'avant. Mais le problème, c'est ce qu'on appelle l'intra-négociation. Il faut qu'au sein de chaque camp, le camp gouvernemental, il n'est pas sûr que c'est la grande unanimité. Il faut qu'il y ait un débat sur la feuille de route, sur ce qu'il y a à offrir, sur ce qu'il n'y a pas à offrir, afin de laisser sur la table ce qu'on appelle les points d'accord, les points de désaccord, les points de compromis, les points de coopération. Ce sont les points de coopération et de compromis qui font la paix et la stabilité du pays. Ceci doit caractériser et l'opposition et le gouvernement. Professeur Julien Nimomana, je vous remercie. Je vous remercie aussi.